Bonsoir à tous. Je suis Catherine, coordinatrice pour les cafés géographie. Vous m'entendez bien là ? Il y a un petit écho. Donc là, je suis ravie de vous annoncer donc, cette nouvelle saison. Et pour ceux qui ne connaissent pas la formule des cafés géo, nous avons donc il y a trois associations. L'Université populaire de Tours, qui est représentée par Ludo, par moi et d'autres qui sont dans la salle d'ailleurs. Franck peut-être est là. Et puis l'association de l'ADSHS, c'est-à-dire l'association des doctorants en sciences humaines et sociales, représentée par Zara cette année. Et peut-être qu'il y a d'autres doctorants aussi qui sont là. Et puis l'association des étudiants de Confluence qui sont venus nombreux, je crois, et avec deux représentants, donc Florian et Anne-Sophie. Et donc le programme, vous l'avez sous les yeux, donc ça y est, le programme annuel est bouclé. Et pour cette première séance, je suis très heureuse d'avoir comme animateur pour la soirée Ludo, puisque c'est un des cofondateurs des Cafés Géo, et c'est lui qui a fait le site aussi de l'Université populaire de Tours. Et sur le site, vous retrouverez le programme et toutes les actualités aussi de l'université qui organise cette année un cycle de conférences avec la CIMAD sur les migrations et les migrants en migration. Pour ce soir, nous avons organisé ce Café Géo avec ATD Carmonde. C'est pour ça que vous avez des panneaux avec des informations. Et je ne vais pas en parler plus. Je laisse la parole à Ludo. Alors, bonsoir à tous. Merci au nom des collectifs des Café Géo et puis des trois associations d'avoir répondu si nombreux à ce premier Café Géo de l'année qui augure, comme chaque année, depuis 2008, je crois. Donc bientôt, ça va faire la 8e année d'existence. Donc encore une belle saison, on l'espère, avec effectivement encore un programme assez chargé de 6 cafés géo cette année. Alors ce soir, on a le plaisir d'accueillir trois intervenants sur un mode un petit peu différent de ce qu'on peut faire d'habitude. Parce que c'est vrai que d'habitude, on a l'habitude de croiser des paroles, on va dire, expertes ou reconnues expertes du point de vue du champ de la recherche, universitaire, académique. Et là, en fait, le parti pris de ce soir, c'est plutôt de croiser des expériences, des retours d'expérience, et puis, par la dynamique de discussion avec la salle, de faire émerger un certain nombre de thèmes, d'analyses, qui sont en lien avec cette grande question qui est celle de la pauvreté, ou des pauvres, selon la façon dont on choisit d'entrer dans ce sujet, sachant qu'effectivement, on est à chaque fois confronté à des problèmes de définition, savoir qui sont les pauvres, est-ce qu'on est sur plutôt des logiques de une catégorie relative, plus pauvre qu'eux, est-ce que c'est des questions de revenus qu'on mesure donc par rapport à des revenus médians, des revenus moyens, ce genre de choses. Est-ce qu'on est plutôt dans des situations qui sont de l'ordre de mécanismes généraux, par exemple la place dans la société mesurée, on verra par rapport à la démocratie, la citoyenneté, le lien social, qu'est-ce que ça veut dire être intégré, qu'est-ce que ça veut dire être exclu, et comment on construit aussi des publics, des cibles, d'un certain nombre de politiques qui construisent, qui modèlent dans nos contextes, et on verra, il y aura peut-être d'autres contextes qui seront abordés, ce qu'on dit, ce qu'on appelle les pauvres. Puis il y a aussi effectivement cette autre approche qui n'est pas celle des personnes, c'est-à-dire on ne va pas dire les pauvres, mais plutôt la pauvreté, qui est une façon un petit peu différente aussi d'aborder le sujet, parce qu'elle interroge peut-être davantage les mécanismes de production de cette pauvreté et qui questionne de façon plus large les inégalités sociales. Alors ce soir, donc, je vais introduire brièvement nos trois intervenants. Donc tout de suite, à ma droite, Christophe Géroudet, qui est volontaire permanent à ATD Quart-Monde et puis délégué national de ce mouvement. Victoire Hérault, qui commencera le débat, coordinatrice aux compagnons bâtisseurs de Tours. Et enfin, Sabine Meynier, de l'épicerie sociale de Saint-Pierre-des-Corps. Donc vous connaissez le principe des cafés Géo. On a des interventions... on va dire, nous on dit toujours 10 minutes pour que ça soit 20. Hein. Donc l'idée c'est quand même une parole plutôt introductive. Et puis ensuite, voilà, posez vos questions, écrivez-les. Puis l'idée c'est ensuite de discuter et que la parole circule. Donc je vais laisser Victoire commencer. Bonjour à tous. Moi, je suis Victoire, je suis coordinatrice à l'association des compagnons bâtisseurs Centre Val-de-Loire. Nos locaux sont juste en dessous. On est une association régionale, mais on a, c'est une association qui existe en fait depuis la Seconde Guerre mondiale, qui a été créée à l'initiative d'un prêtre belge pour répondre à la reconstruction en fait, des dommages qui ont été faits par la guerre. Donc ça a commencé en Belgique et puis après... il est allé sur toute la France en mobilisant des jeunes donc voilà, sur la reconstruction du patrimoine et de l'habitat qui avait été détruit. Aujourd'hui, donc les valeurs de l'association, c'est une association d'éducation populaire qui œuvre par le support du chantier, en fait, comme vraiment un support de vecteur de lien social. On est à Tours depuis les années 80. On intervient malheureusement de plus en plus sur l'agglo et sur le milieu rural, voire très rural, parce que malheureusement il y a de plus en plus de gens qui sont touchés par les conditions de mal logement et par les conditions d'insalubrité en général. Hop, je me lève parce qu'il n'y a pas de petite... Hop. Alors en fait on intervient depuis toujours sur deux grandes thématiques qui sont l'habitat et la jeunesse. En ce qui concerne l'habitat, donc, on intervient toujours en direction d'un public en grande difficulté sociale, économique et on parle aussi énergétique maintenant, beaucoup de précarité énergétique de plus en plus. Donc on intervient sur le parc social, on a des conventions en fait avec des bailleurs sociaux qui se rendent compte que de plus en plus de locataires de leur parc sont exclus et se recroquevillent, on va dire, sur eux-mêmes et dans leur logement. Donc, nous, c'est là où on intervient sur une remobilisation de la personne au travers de l'amélioration de son habitat. On utilise vraiment le support de l'habitat. La phrase un petit peu de la charte des compagnons bâtisseurs, c'est réhabiliter son logement pour se réhabiliter soi-même. Pour nous, c'est vraiment un support de remobilisation pour l'habitant. Donc ça, c'est essentiellement sur l'agglomération de Tours. On intervient aussi chez des propriétaires occupants, parce que oui, il y a des propriétaires qui sont très pauvres et qui ont souvent, qui vivent dans des conditions qu'on imagine peu, que j'ai je pensais pas que ça existait en France, en fait, avant d'arriver. On ouvre une porte et puis il n'y a pas de sol, c'est de la terre, il n'y a pas de point d'eau, il n'y a rien. Et c'est tous les jours qu'on voit des situations comme ça, donc c'est assez inquiétant, très flippant. Des gens qui sont seuls, toute la journée, enfin qui sont seuls tout le temps, des personnes âgées, des très jeunes, des jeunes familles, des familles monoparentales, ça touche vraiment tout le monde. Et donc notre objectif, c'est de les mobiliser sur l'amélioration de l'habitat. Pareil que sur les locataires, là c'est du plus gros chantier. On est sur du gros œuvre, c'est des chantiers qui durent à peu près 2 à 3 mois. On est toujours dans cette démarche de solidarité, donc l'objectif c'est de mobiliser un maximum de monde, déjà en premier lieu la famille ou le ménage chez qui on intervient, mais aussi de mobiliser les voisins, notre équipe de bénévoles pour intervenir dans les meilleures conditions pour la personne. On s'adapte toujours au rythme et aux besoins de la personne. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une pratique. On ne peut pas dire un dispositif, mais on appelle ça des chantiers d'auto-réhabilitation accompagnée. Puisque c'est les familles qui réhabilitent leur logement, qui sont investis dans la réhabilitation de leur logement, mais ils sont accompagnés par des professionnels du bâtiment, qui sont nos animateurs techniques. En parallèle des animateurs techniques sur les chantiers, on a des animatrices habitat qui sont travailleurs sociales, souvent diplômées assistantes sociales ou assistantes sociales aussi, pas que des femmes. Donc voilà, en fait, il y a un double accompagnement, une double mobilisation sur le côté technique. C'est une certaine aussi valorisation sociale de la part de la famille qui intervient parce que, bah voilà, ils sont capables d'eux, oui, c'est pas difficile. Voilà, ils sont là-dessus. Sur le côté plutôt accompagnement social, donc on a notre animatrice Habitat qui les accompagne au jour le jour et au long terme pour sortir de cette grosse, grosse galère. Alors, c'est pas des chantiers d'insertion comme on a l'habitude de voir. Mais pour nous, c'est un chantier peut-être d'inclusion sociale, de réinclusion, de se remobilisation sociale. On les pousse, on les accompagne à aller vers de nouveaux dispositifs, des associations partenaires comme Sabine, Osak et Malice. Enfin, on est vraiment sur cette dynamique de remobiliser la personne. En plus de ces chantiers, on met en place des temps collectifs. Alors ça, c'est un petit peu plus... C'est pas donné à tout le monde de faire déjà un premier pas, d'aller dans le collectif, surtout pour des gens qui, bah, voilà, qui sont seuls depuis plusieurs années ou depuis seulement plusieurs semaines. Mais en fait, on voit tout de suite que c'est un... quelque chose où on tombe dedans très rapidement. Une petite erreur ou un petit malheur dans la vie, ça peut prendre des proportions... énorme et exclure beaucoup de gens et tomber dans des situations de pauvreté extrême. Donc voilà, au travers de ces actions et de ces animations collectives qui sont aussi, pareil, toujours liées à l'habitat. On est sur des formations techniques. Bon, bah voilà, aujourd'hui, Madame Intel, alors il faut refaire tout son papier peint, et bah voilà, on va faire une animation chez Madame Intel. On a aussi des ateliers de quartier qui s'y prêtent. On fait aussi des formations qu'on appelle pédagogiques sur la gestion des déchets, la maîtrise des énergies... Enfin, voilà, on utilise en fait ce support d'habitat, mais au final, l'objectif final, en fait, c'est le lien social et la réinsertion des gens, que ce soit professionnel ou social en tout cas. Pour que ces chantiers ne coûtent presque rien ou rien du tout à la famille, on a mis en place une plateforme de matériaux qui s'appelle la plateforme Solibat. On a beaucoup de partenariats avec des grosses boîtes type Point P, Leroy Merlin, ou aussi des artisans locaux qui nous donnent des matériaux, mais aussi qui nous donnent du temps sur les chantiers. Nous, on touche à peu près à tout, sauf à la, là pour le côté technique, sauf à la toiture et à la charpente. Donc on fait intervenir des artisans. Donc voilà, il y a vraiment sur le chantier aussi une mixité d'intervenants, de personnes, que ce soit compagnons bâtisseurs, famille, artisans. Et du coup, ce volet jeunesse intervient maintenant. On n'en parle pas trop souvent, mais je trouve qu'il y a beaucoup de jeunes en situation de précarité, notamment des étudiants, mais pas que, des jeunes de partout. On a développé du coup un accueil de jeunes. Alors on est passé par le service civique. On trouve que c'est un bon moyen de s'engager, c'est pas connu par tout le monde. Donc on mobilise les jeunes du quartier du Sanit, mais aussi de la Rabatterie, de la Rabière. On est essentiellement sur les quartiers... prioritaire, à s'engager dans une mission de service civique. Donc quand on débarque, souvent c'est un service civique. Moi je veux un boulot, clairement, je veux des sous à la fin du mois, je veux quelque chose. Et en fait, quand on discute beaucoup, on travaille beaucoup avec les missions locales, les acteurs de la jeunesse, à mobiliser les jeunes sur cette question-là et intervenir du coup sur toutes les activités de l'asso, intervenir sur les chantiers, ça leur permet de découvrir des métiers du bâtiment. C'est des jeunes qui sont en grande difficulté, ou souvent une rupture de parcours scolaire, ont à peine le brevet, le bac. Donc c'est aussi l'objectif de leur permettre, au travers du service civique, de monter une marche supplémentaire pour ensuite rebondir sur quelque chose. Ce qui fonctionne plutôt bien, on est super contents là-dessus. On a des super jeunes qui s'investissent, on les accompagne, c'est un engagement pendant 6 mois. On les accompagne pendant 6 mois, on est derrière eux, on va limite les chercher au bout du lit pour qu'ils reprennent un rythme, etc. Mais c'est vraiment super. On accueille aussi des jeunes, mais ça c'est un petit peu en marge, des jeunes de l'Europe qui sont en service volontaire européen. Là c'est un autre profil, plutôt étudiant. Et puis on met en place, pareil, des chantiers d'été pour les jeunes qui n'ont pas forcément la possibilité de vivre une expérience collective, une expérience de détente, de vacances, de penser à autre chose que... Bah ouais, la galère toute la journée, dans son logement, dans la famille, voilà, on essaye de montrer autre chose. Et on fait aussi, on bosse beaucoup sur la mobilité des jeunes, on se rend compte qu'en fait les jeunes sont pas, beaucoup de jeunes sont pas forcément sortis du quartier, de la ville. On essaye de beaucoup bosser sur la mobilité régionale d'abord, on a une antenne à Orléans, donc déjà d'aller à Orléans, c'est un premier challenge. d'aller aussi dans d'autres associations des compagnons bâtisseurs. On en a un petit peu partout en France, à Rennes, Bordeaux, un peu partout. Et puis l'objectif final, c'est de les emmener à l'international. Donc on monte un chantier de solidarité tous les ans au Maroc avec ces jeunes qui participent longuement à la préparation de ce chantier et qui vont pendant 3 semaines au Maroc dans un petit bled paumé au fin fond du Rif pour aider la réhabilitation d'une école, entre autres, et à la création de gabions. Voilà. Donc on est là-dessus. Nous, on s'appuie vraiment sur ce dispositif d'auto-réhabilitation accompagnée parce qu'on trouve que c'est vraiment un moyen adapté, en tout cas, pour la remobilisation de la personne et pour qu'il y ait une valorisation sociale, pour qu'on sorte un peu de cette galère d'une manière ou d'une autre. Alors j'ai mis sur un diapo quelques petites photos, comment se passe concrètement un chantier. En fait, c'est souvent des orientations, soit des assos locales avec qui on est beaucoup en partenariat, soit avec les travailleurs sociaux du département ou plein de structures. Et puis, on bosse beaucoup sur l'engagement des familles. C'est un principe fondamental pour qu'on intervienne, en fait. Il faut vraiment qu'il y ait un engagement physique. Bon, on a la mesure du possible, bien sûr, puisque chez les gens chez qui on intervient, il y a beaucoup aussi de problèmes de maladie. Comme on est exclu et recroquevillé sur soi-même et qu'on est chez soi toute la journée, on développe certaines pathologies, malheureusement. Et voilà, donc on est là, on essaye de les remobiliser là-dessus. Et voilà, ça c'est un des derniers chantiers qu'on a fait. Donc quand on arrive chez les gens, clairement c'est ça, hein, c'est pas du photomontage. C'est malheureusement ça. Donc l'objectif c'est que la famille soit dans des conditions plus confortables et tout simplement décentes, en fait, qu'un humain a besoin pour vivre normalement. C'est ce qu'on essaye de faire au jour le jour. Voilà, j'espère, avec l'aide de beaucoup de partenaires, beaucoup de gens qui sont sensibles à cette question de l'habitat, de la pauvreté et de l'exclusion, qui malheureusement ne diminue pas chez nous en France. Bonjour à tous, je m'appelle Sabine Meynier, je suis coordinatrice d'une épicerie sociale et solidaire à Saint-Pierre-des-Corps depuis un an. Je vais tenter de faire au mieux aujourd'hui. Je n'ai pas préparé de PowerPoint ni ramené de plaquettes. Par contre, pour les personnes intéressées, on pourra le mettre sur le site si vous le voulez bien, et vous en aurez du coup accès. Le sac à malice, c'est une association de loi 1901 qui s'est créée suite à la réflexion d'un groupe d'habitants autour de la problématique de comment résoudre en fait les problèmes alimentaires lorsqu'on a de bas revenus, pas les moyens financiers pour faire ses courses, et comment créer aussi du lien social en favorisant la convivialité par les échanges. Et donc, parmi ce groupe d'habitants de sa période des corps, certains étaient concernés en premier plan. C'était cela en 97, et l'association s'est créée et a ouvert ses portes en septembre 99. Donc, cette épicerie, elle apportait un complément aux autres dispositifs locaux. Il n'existait pas de lieu qui permettait d'intervenir sur le champ de l'aide alimentaire et en même temps sur des actions qui permettaient de créer du lien social, les deux en même temps, en fait. Donc l'objectif de l'épicerie sociale et solidaire, c'était de satisfaire les besoins essentiels dans le domaine de l'alimentaire, le crédit d'air social. Pour cela, on va inscrire des familles qui ont un reste à vivre entre 0 et 7 euros par jour et par personne. On n'a pas de limite. Tous les lundis matin, c'est moi qui fais les inscriptions. Je reçois les familles et en fonction du calcul que je fais entre les ressources et les charges, j'inscris les familles. À ce jour-là, on est en 2016, donc on a 213 familles depuis le début de l'année. 213 familles. Et en 2015, à la fin de l'année, nous avions 237 familles. Ça veut dire qu'il y a une augmentation par rapport à l'année dernière de 24% environ de familles qui sont dans le besoin au niveau de l'aide alimentaire, mais pas que, puisque on se rend compte que l'aide alimentaire, si vous voulez, ce n'est pas une fin en soi, il y a d'autres problématiques à côté. Et pour pouvoir accompagner donc, ces familles, nous sommes une équipe de 6 salariés. Alors, dans les une équipe de 6 salariés et une équipe d'une vingtaine de bénévoles. Sans les bénévoles, nous ne pourrions pas travailler et répondre aux besoins des familles que nous accueillons. Sur les 6 salariés, il y a donc une personne qui est à l'accueil, agent de médiation sociale, Corinne, qui est aujourd'hui dans l'Assemblée. Je tenais aussi à préciser que j'ai des collègues dans l'Assemblée qui apporteront des compléments si besoin en fonction des questions qui seront posées par la suite, puisque moi je n'y suis pas depuis 99, mais des collègues travaillent depuis 99 au sein de cette association. Donc une personne salariée qui est à l'accueil agent de médiation sociale, un animateur socio-culturel, donc qui a une grande importance hein, pour pouvoir accueillir, écouter, orienter, informer les gens, instaurer une relation de confiance. C'est un poste vraiment qui a toute son importance. Un animateur socio-culturel qui met en place des actions avec les familles bénéficiaires du sac à malice ou adhérentes, parce que nous avons aussi des adhérents qui ne sont pas forcément bénéficiaires de l'épicerie, mais qui viennent pour participer à des ateliers, des actions d'insertion que nous mettons en place. Donc l'animateur, lui, il a plus pour mission de travailler sur l'accès à la culture avec des groupes d'habitants. Les familles que nous accueillons, je tiens à le préciser maintenant, c'est des familles pour, je crois qu'au niveau du pourcentage, j'ai plus trop en tête, mais je crois que c'est 70% de nos familles viennent du quartier de la Rabatterie. La Rabatterie qui est, je ne sais pas si vous connaissez un peu Saint-Pierre-des-Corps, mais un quartier prioritaire, dans le cadre de la politique de la ville, du contrat ville. Donc c'est quand même un quartier où il y a une majorité de la population qui est sous avec des difficultés financières importantes et des revenus très faibles. Un animateur socioculturel qui impulse des dynamiques et qui porte des initiatives aussi. Donc quand il y a un groupe, par exemple, autour de la culture ou de l'accès à la culture, c'est de faire en sorte que les personnes aient leur place, qu'elles prennent les initiatives et que ça parte d'elles-mêmes, que que ça soit pas on propose une activité où on va visiter un musée sans leur demander en fait ce qu'elles ont envie. Donc on part vraiment des personnes. On travaille aussi avec une socio-esthéticienne, Valérie, qui a aussi un poste très important au sein de l'association parce qu'elle travaille sur l'estime de soi, revaloriser les personnes, la confiance en elles, l'image de soi. C'est très important. Et c'est autant du collectif que de l'individuel. Pour tous les salariés, on travaille en intervenant... En travaillant sur le collectif et l'individuel, pourquoi cette importance-là du collectif et de l'individuel, c'est que les personnes, pour pouvoir s'insérer, vont pas être forcément à l'aise dans un groupe et elles vont devoir passer par l'individuel pour avoir après une place dans le groupe. Donc la socio-esthéticienne fait des groupes, ateliers socio-esthétiques. Un exemple, en ce moment, on travaille sur... elle propose de créer des produits de beauté à l'aide de produits du jardin, puisque nous avons aussi un jardin potager qui a été créé cette année par des habitants. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir, avec des produits naturels, créer ses cosmétiques, se faire du bien, revaloriser son image et faire du lien aussi avec les jardiniers qui sont présents dans l'action jardinage. Voilà. Donc, la socio-esthéticienne. Ensuite, une psychologue aussi. Nous travaillons avec une psychologue qui intervient autant en individuel qu'en collectif. En collectif, elle anime un café des parents. On travaille sur la thématique de la parentalité et en partant des difficultés que rencontrent les parents, il y a un échange qui se fait. On essaie de trouver les moyens de répondre des fois à des difficultés. J'ai envie de dire, les parents se sentent perdent confiance dans ce qu'elles peuvent apporter à leurs enfants. Et souvent, ce sont des femmes, hein, dans le café des parents, il n'y a pas beaucoup d'hommes. Et après, il y a quand même une influence, puisqu'elles, chez elles, elles peuvent en discuter avec leur mari. Donc, il y a tout un travail autour de la parentalité. Concernant l'individuel, la psychologue, elle permet d'avoir des séances. Alors, c'est pas sur le long terme, hein, c'est pas des soins comme on pourrait trouver à l'extérieur, mais elle peut être à même d'orienter pour des soins sur le long terme. Une psychologue, une socio-esthéticienne, un animateur, et moi, travailleuse sociale, coordinatrice l'épicerie de formation assistante service social, qui a pour mission l'accompagnement social des familles au sein de l'épicerie. J'avais dit 6 salariés parce que je ne veux pas oublier Lucette qui est agent d'entretien. Merci Françoise. Agent d'entretien, c'est important, agent d'entretien, parce que les familles qui arrivent au sac à malice, elles ont besoin d'avoir un accueil digne de ce nom-là. J'avais envie de vous parler un peu de certains chiffres concernant les inscriptions en 2015. Donc sur 237 inscriptions, nous avons 114 couples, dont 97 avec enfants, 105 femmes seules, dont 79 avec enfants, nous avons beaucoup de familles monoparentales, et 18 hommes seuls. Sur les 180 familles ayant de 1 à 7 enfants à charge, il y a donc 83 familles monoparentales. Donc ce n'est pas rien. 71% des personnes inscrites proviennent donc du quartier de la Rabatterie. Tout à l'heure, j'avais dû dire un chiffre autour de 70%. Donc c'est bien ça. Dans ce que perçoivent ces familles-là, 108 foyers perçoivent le RSA, 14 l'allocation adulte handicapé. Alors, peut-être ça va être un peu barbant, mais je tenais à préciser tous ces chiffres-là pour vous donner un peu la typologie du public que nous accueillons. Donc, 108 au RSA, 14 foyers allocation adulte handicapé, 18 l'allocation solidarité spécifique. 25 avec des salaires, mais sur des missions intérim, des contrats aidés et des temps partiels. 18 avec l'allocation retour vers l'emploi, 4 avec des indemnités de sécurité sociale, 3 foyers avec uniquement des prestations familiales, 4 avec des pensions d'invalidité, 15 foyers qui sont à la retraite, une retraite, 12 autres ressources. Alors dans autres ressources, ça peut être par exemple une famille qui est hébergée qui est en foyer d'hébergement et qui touche une aide alimentaire, ou les demandeurs d'asile par exemple qui ont une allocation l'ADA, l'allocation demandeur d'asile. Je crois que ça s'appelle encore comme ça, l'ADA. Ça change souvent, mais je pense que c'est ça. Ouais. Depuis 2013, on observe vraiment une croissance des foyers qui ont un reste à vivre inférieur à 3 euros par jour et par personne. Donc une augmentation, en 2013, elles étaient 26% de nos familles que nous accueillons. Et aujourd'hui, et l'année dernière, en 2015, 34%. Donc autant dire que y a, au niveau de la pauvreté de, pour ces foyers, c'est, ça ne s'arrange pas. Concernant, donc nous, on, au moment de l'inscription, on demande si les familles ont une couverture pour la santé, une couverture santé. Et donc, sur toutes les familles que nous accueillons, il y a 153 foyers qui ont la CMU, couverture mutuelle universelle. Et puis après, des familles qui ont l'aide à l'acquisition d'une complémentaire, l'aide médicale de l'État, et 19 familles qui n'ont aucune couverture au moment de l'inscription. Alors après, c'est à moi, travailleuse sociale, au sein de l'association, de pouvoir leur faire accéder à leurs droits. Ça, c'est très important. Donc, il y a tout un travail sur l'accès aux droits, en, bien sûr, en complémentarité avec les autres travailleurs sociaux qui interviennent déjà sur le territoire. Je travaille beaucoup avec les assistantes de services sociaux de la Maison départementale de la solidarité ou les assistantes sociales du CCAS. Tous les travailleurs sociaux qui interviennent auprès de ces familles-là, je me mets toujours en relation avec elles pour qu'on travaille en complémentarité pour l'accès aux droits de ces familles. Donc nous, au sein de l'association, on peut repérer les familles qui n'ont pas fait la démarche de certains droits parce qu'elles n'avaient pas l'information ou parce qu'elles sont dans des difficultés telles qu'elles n'ont pas la force de faire la démarche. Concernant notre épicerie, la particularité que nous avons, c'est que nous permettons d'avoir un droit aux familles, d'avoir un droit d'achat. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir faire leurs courses, avoir le choix. Ça va leur permettre de retrouver vraiment de la dignité. Elles vont, avec un petit budget, pouvoir payer, par exemple, un produit que nous allons acheter chez Leclerc, elle va le payer 30% de la valeur réelle du produit. Donc un produit à 1 euro, elle va l'acheter à 30 centimes. L'inscription dans le temps, lorsque c'est une première inscription, ça va aller jusqu'à 9 mois. Au bout de 9 mois, ça s'arrête. C'est-à-dire que pendant ces 9 mois-là, on va travailler avec la famille non seulement à lever des freins ou des difficultés qu'elles rencontrent qui vont être de l'ordre... Donc, bien sûr, il y a beaucoup de familles, malheureusement, qui sont dans le surendettement, qui ont besoin de faire un dossier de surendettement à la Banque de France pour pouvoir s'en sortir, parce que avec tous les crédits à la consommation, les crédits revolving, il y a un cercle vicieux qui fait que les familles s'en sortent plus et n'arrivent plus à gérer leur argent. Et donc, il y a des difficultés au niveau budgétaire, mais pas seulement. Il y a la santé, il y a le logement, il y a des difficultés... je ne sais plus, je les ai toutes notées, mais... Oui, c'est important pour notre public aussi de ne pas oublier ça, la barrière de la langue, parce qu'il y a des familles quand même qui ont des difficultés pour parler le français. On a une population je ne sais pas trop au niveau des chiffres, vous me direz, mais beaucoup d'origine algérienne, marocaine et de l'Est, voilà, qui sont inscrites chez nous, et des difficultés liées à la mobilité, à l'emploi et à la formation. Enfin, il ne fallait pas que j'oublie aussi ça, parce que les familles n'ont pas forcément de diplôme, pas de formation, et donc d'où le RSA ou la difficulté d'accéder à une formation ou à un emploi, c'est ce qui... Il va falloir que j'arrête, c'est ça? Et sinon, le principe aussi, je voudrais pas oublier... le travail... Il y a deux choses, avant et après j'arrête. Deux choses importantes. C'est que il y a un principe au sein de notre association, c'est la participation des personnes soit au fonctionnement de l'épicerie ou soit aux ateliers que nous proposons. Donc nous incitons vivement et nous faisons en sorte que, en fonction de leurs envies, de leurs compétences, de leur savoir-faire, elles puissent, les familles, s'inscrire soit au fonctionnement de l'épicerie ou soit aux ateliers, aux actions que nous proposons. Donc ça, c'est une chose que je ne voulais pas oublier de dire. Et la deuxième, j'en ai tellement que je ne sais plus. Ça va revenir, je pense, dans le débat. Hein, voilà. Ça va revenir dans le débat. Si, au niveau de la participation des familles, sur 237 familles, il y en a 175 qui ont participé aux activités, soit 64% du public. Donc, ce sont des personnes qui, à un moment donné, avec tout le travail que nous faisons autour de l'accompagnement social, de l'accueil, au niveau des actions, et même avec les bénévoles qui sont présents, à un moment donné, s'instaure une relation de confiance dans le temps et les personnes participent et trouvent une place dans un groupe. Et ça, c'est important de dire. Je vais terminer par une phrase qui me tient à cœur, qui est inspirée de théories de deux psychothérapeutes que j'aime beaucoup, qui s'appellent Carl Rogers et une psychothérapeute que j'ai lue, que je viens de découvrir, qui s'appelle Anne Ancelin. Et donc la phrase, c'est pour s'en sortir, il faut le vouloir, mais pour le vouloir, il faut pouvoir le vouloir. Vous voulez que je la répète ? Merci beaucoup. De toute façon, il y a plein de choses qu'on pourra aborder. J'ai pas encore l'habitude. Merci. Bonjour à tous, merci de m'accueillir chez vous. Donc, je suis Christophe Géroudet, je suis volontaire permanent du mouvement Atelier Carmonde. Depuis 1992, et je suis actuellement à la délégation nationale France, donc c'est l'animation du mouvement en France. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le mouvement Atelier Carmonde, il y a trois engagements hein, qui sont le volontariat permanent, hein, qui font un choix de vie simple, et quelle que soit sa responsabilité, quelle que soit son ancienneté, on gagne tous la même chose au sein du volontariat. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'alliance, c'est-à-dire toutes ces personnes qui choisissent de se joindre à ce combat, de s'allier à la cause du combat contre la misère, là où ils sont dans leur engagement, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans leur syndicat, que ce soit dans leur église, que ce soit aussi à travers des actions que mène le mouvement, et puis aussi les militants qui ont été les premiers membres du mouvement, puisqu'il a été fondé par Joseph Brzezinski, qui était prêtre et qui a fondé un mouvement interconfessionnel et interconvictionnel, on pourrait dire, et qui lui-même était issu de l'extrême pauvreté, donc ce qui fait aussi son originalité. Je voudrais juste dire deux expériences fortes qui illustrent bien le thème de la soirée. Donc la première, c'est dans ma responsabilité, dans le passé, dans l'animation d'un centre de promotion familiale à Noisy-le-Grand. Donc deux expériences fortes qui vont me permettre d'expliquer effectivement d'avoir des réflexions sur le sujet dont on parle. Donc il s'agit d'un centre de promotion familiale dans une ville de banlieue parisienne où on accueille une trentaine de familles au sein d'un quartier, des familles qui ont vécu l'errance, qui n'ont connu que des ruptures successives, qui n'ont jamais pu se poser, avoir un logement à elles, et qui ont vécu sur des quais de gare, dans les bois, dans des conditions aussi où souvent des difficultés avec leurs enfants qui ont été placés, etc. Et de les accueillir dans un quartier avec cette idée de leur permettre de reconquérir leurs droits, de passer un peu d'une vie de la survie à l'accès aux droits. Et donc l'idée, c'est d'accéder au droit, mais par la vie citoyenne, par le fait d'être au milieu des autres. Parce que pour nous, l'exclusion pose une question fondamentale de nos démocraties, la question du droit, de l'accès à tous au droit, et la question aussi de prendre en compte la richesse de l'être humain, quelle que soit son expérience. Et donc, passer d'une situation de survie, on a été, comme vous l'avez dit, été dans l'isolement, parce qu'on a dû se protéger d'une société qui paraît hostile, et qui est aussi une menace pour l'intégrité de la famille. Donc, des fois, les familles ont dû avoir des comportements pour protéger leur vie familiale, de résistance à la vie sociale. Et donc, de passer de cette situation où on peut faire confiance et on peut bénéficier aussi de ce qui existe dans un quartier pour la promotion de la famille, c'est-à-dire les lieux culturels, le centre social, mais d'oser aller dans ces lieux-là, parce que de pouvoir s'y sentir à l'aise, s'y sentir reconnu, ça prend énormément de temps. Ça prend le temps aussi et c'est là le thème aussi du 17 octobre, ça prend le temps de reconnaître l'expérience des personnes, reconnaître les personnes dans leur expérience de vie et dans leur identité culturelle, de résistance à la misère, justement. Donc, un accueil au sein d'un quartier et un soutien à la vie familiale, parce que beaucoup de familles disent, mais nous, on ne veut pas que nos enfants connaissent la misère qu'on a connue, et on veut un autre avenir pour nos enfants. Il y a une très grande espérance. Et souvent, malheureusement, les enfants, de nouveau, vivent aussi l'échec à l'école, vivent le rejet. Et donc, il y a une action très forte au niveau de la petite enfance, au niveau du soutien aux liens parents-petits-enfants, et à l'action auprès des enfants. Et aussi une action très forte au niveau de la culture. Alors juste un exemple, mais on a beaucoup développé dans Canoisy-le-Grand des ateliers de théâtre avec les enfants, à la fois des enfants du quartier, à la fois des enfants de l'action qui sont accueillis dans le cadre de l'action de promotion familiale. Et c'est absolument extraordinaire de voir les enfants qui peuvent révéler leur intelligence et de découvrir leur potentiel. Ils s'étonnent eux-mêmes de ce qu'ils sont capables de faire. J'ai cet exemple d'une fois où il y a eu un spectacle de théâtre dans le centre social du quartier où la principale du collège des enfants qui faisaient le spectacle était en larmes à la fin du spectacle en disant « Mais comment se fait-il que ces enfants qui sont en échec ici sont capables d'apprendre des textes, sont capables de faire une telle performance ?» Et ça, c'est vrai que c'est la magie de la culture. Et de reprendre de pouvoir, alors à travers le personnage qui est dans le théâtre, qui est un profond éducateur, et qui permet de s'identifier aussi dans des sentiments, dans des émotions, de pouvoir les vivre, les transmettre, et pouvoir aussi partager la culture avec d'autres. Donc ça, c'est vrai que pour nous, d'emblée, dans le mouvement, et ça, José Brzezinski, le fondateur du mouvement, a d'emblée situé la culture comme centrale dans l'action contre la misère. Et la culture, dans le sens où elle permet de se relier à soi-même, se relier aux autres, et puis de se réconcilier avec son histoire et d'affirmer la résistance des siens. C'est pas la culture, c'est pas simplement la culture, aller au musée, aller au théâtre, mais c'est aussi de pouvoir exprimer profondément une histoire, de pouvoir être fier de là d'où on vient et de sa résistance. Donc, une action au sein d'un quartier. La deuxième expérience que je voudrais partager, c'est une expérience que j'ai eue en Bolivie, donc en Amérique latine, où j'ai vécu 8 ans, et on a développé là-bas, avec une équipe, avec des Boliviens, des universités populaires Carmonde. Si j'évoque ce projet, c'est aussi parce que j'ai découvert, en étant dans une autre culture, mais combien des mécanismes d'humiliation et de fierté sont les mêmes, quel que soit son propre à l'humanité, son, sont universelles et dépassent les frontières, et combien le combat contre la misère est quelque chose d'universel. Et dans ces universités populaires, ce sont donc Université Populaire Carmonde, ce sont des lieux où on se retrouve entre personnes qui ont vécu, qui vivent la grande pauvreté, et puis aussi d'autres citoyens qui ensemble partagent une réflexion sur des sujets de société et qui essaient d'ensemble trouver les sources d'un engagement à travers cette réflexion commune. L'Université Populaire, c'est un lieu... Alors, ce que j'ai expérimenté en Bolivie, hein, j'étais à La Paz, donc une université populaire qui était à la fois sur la ville de La Paz et El Alto, qui est une ville sur l'altiplano qui rassemble beaucoup de familles qui viennent du monde rural et qui se retrouvent là du fait de l'exode rural dans des conditions d'extrême pauvreté et puis souvent isolées parce qu'elles viennent d'un village et se retrouvent isolées dans leur vie quand elles arrivent en ville. Et on avait là une maison de l'amitié qui avait pour vraiment but de créer, de retrouver les conditions de la communauté pour renforcer les liens. Alors on a beaucoup parlé de liens et de solitude, ça c'est quelque chose qui est qu'on constate aussi combien la misère isole et enferme. Et donc l'université populaire comme lieu d'identité, les gens découvrent, je ne suis pas tout seul à vivre cette réalité, je ne suis pas coupable, sortir de la culpabilité, sortir de la honte. Parce qu'on découvre que d'autres partagent cette expérience et que on l'écoute et qu'en on n'a pas de honte à avoir. Et sortir de la honte pour se réaliser qu'on a du courage et qu'on a de la valeur aux yeux des autres, c'est un changement aussi dans la tête, qui est absolument fondamental, et ça, personnellement, je l'ai vu physiquement. Voilà, des gens redresser la tête, parce que tout d'un coup, parce qu'ils sont écoutés, et parce que leur parole a du sens, a de la valeur pour d'autres qui n'ont pas connu ces réalités. L'université post-populaire aussi comme lieu de construction de la pensée, de la parole. Nul ne peut penser à la place d'un autre. Et permettre à chacun de trouver ses mots, trouver sa propre réflexion, une expression, son expression propre liée à son expérience, une expression qui soit compréhensible. Et c'est un lieu d'apprentissage de l'expression où on hésite, où on s'essaye ensemble et on sait qu'on est dans la bienveillance, et permettre... Alors, juste une réflexion qu'avait une personne là, qui est en situation de pauvreté, qui nous disait, à travers ces universités populaires, je prends conscience que derrière chaque personne, il y a un monde, et qu'il est bien difficile de connaître la réalité de chacun. Beaucoup de personnes ne parviennent pas à s'exprimer, à dire ce qui leur arrive par peur qu'on se moque d'elles, qu'on ne les écoute pas, ou bien pour d'autres raisons. Elles s'enferment et c'est très dur. Il faut faire savoir qu'il y a encore beaucoup d'injustices. Connaître d'autres personnes et d'autres expériences fait réfléchir. Nous vivons des choses similaires, et cela nous donne de la force pour faire valoir nos droits et notre dignité d'être humain. Si on ne connaît pas l'autre, on ne valorise ni ce qu'il est, ni ce qu'il fait. Et dans le même sens, je citerai une femme du Rwanda qui disait « Mais quand tu sors de la solitude, tout devient possible. La solidarité te permet de retrouver ton intelligence. Tu redeviens calme. Tu vis davantage en paix avec les autres. » Alors, si je cite ces réflexions aussi de Bolivie, de Rwanda, mais c'est parce que de toute cette expérience en France, j'entends la même chose. Il y a quelque chose d'universel quand la personne est humiliée et qu'on lui permet son expérience a du sens pour les autres. Et ça, c'est l'identité culturelle de chacun. Quand on parle de culture dans le mouvement, c'est profondément ça. Alors après, il y a l'université populaire, c'est aussi un lieu de dialogue. Un dialogue avec l'ensemble des citoyens, avec des personnes, entre personnes qui ont cette expérience de la grande pauvreté et d'autres. Et j'ai l'exemple en Bolivie, justement, d'un travail sur le thème de la santé, où il y a beaucoup de situations de mortalité infantile, mortalité à la naissance, même en Bolivie, et une des raisons, c'est aussi parce que la peur pour les femmes d'aller dans les centres de santé, où elles se trouvent humiliées, pour différentes raisons, mais elles expliquaient leur situation, leur, leur raisonnement, leur réflexion sur ça. Il y en a une qui disait, mais moi je préfère mourir d'accoucher seule à la maison que d'être humiliée à l'hôpital. Et là, elle nous faisait prendre conscience combien l'atteinte à la dignité est mortelle. C'est-à-dire que c'est extrêmement profond dans l'être humain. Voilà, l'atteinte à la dignité, c'est... Et beaucoup de gens aussi en France renoncent à leurs droits. Il y a 50% de personnes qui n'ont pas accès au RSA, de non-recours, tellement c'est stigmatisé sur le fait que être au RSA, c'est une honte. Voilà. Et donc, alors c'est une des raisons, je ne dirais pas que c'est la seule raison, mais de montrer combien les gens ont une dignité qui ne les laisse pas piétiner. Et face à ces réflexions des femmes qui vivaient ces réalités à La Paz, il y a eu un moment extraordinaire, parce qu'il y avait des étudiants en médecine qui tout d'un coup étaient complètement bouleversés et ont remis en cause, ont dit, mais on ne peut plus continuer à recevoir l'enseignement tel qu'il est. Il faut qu'on réagisse face à nos enseignants, il faut qu'on ait une autre formation pour bien comprendre les réalités que vit notre peuple. Et ces femmes ces hommes qui parlaient, ces femmes en particulier de l'accouchement, qui parlaient de ces réalités, mais étaient bouleversés de voir combien leur expérience avait du sens pour les étudiants. Pour dire combien ces lieux-là aussi sont des lieux qui donnent du sens à tous, qui redonnent aussi de la force à tout le monde. Aussi bien pour des médecins étudiants qui se disent « mais je veux donner sens à mon métier » que pour les personnes en situation de pauvreté qui voient que grâce à elles, la société peut changer. Et c'est ça le sens aussi de l'université populaire, c'est que par la rencontre, par la réflexion commune, eh bien ça fasse changer la société. Et le dernier point sur le sens de l'université populaire, c'est vraiment de susciter l'engagement, justement. Donc, comme je le disais, ces médecins, ces étudiants en médecine qui du coup, se mettent en mouvement pour changer les choses, avec cette volonté de changer les choses. Alors après, tout ça prend du temps. Voilà. Juste pour, comme deuxième point, je ne sais pas si je suis un peu long, 5 minutes encore. Oui, juste, je voudrais situer ces exemples-là dans l'histoire du mouvement depuis la première journée mondiale du refus de la misère, qui était le 17 octobre 1987. Donc, il y avait rassemblé là, au Trocadéro, 100 000 personnes, qui était le rassemblement des défenseurs des droits de l'homme. Et pourquoi ? Parce qu'en 1987, il y a eu le rapport Brzezinski, qui pour la première fois préconisait une approche globale de lutte contre l'exclusion à partir en revendiquant l'accès aux droits, en disant les droits mais sont indivisibles, et à travers l'accès aux droits, l'accès à la citoyenneté, c'est-à-dire qu'on ne donne pas le droit comme on donne la soupe populaire, mais on donne le droit, mais l'accès aux droits, c'est permettre à tous d'être acteurs du droit, c'est-à-dire combien ceux à qui on confisque le droit commun, ils aident la société à être une société de plein droit pour tous. Donc, 87, c'était une grande date pour ça. Il y a eu cette dalle au Trocadéro qui affirme là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Ça veut dire que ce jour-là, enfin, à ce moment-là, on affirme que la misère est une violation des droits de l'homme, c'est-à-dire qu'on place la question de la lutte contre l'exclusion, contre la grande pauvreté, au cœur de nos démocraties. Ça veut dire que quand il y a une situation de non-droit comme ça, de violation du droit, c'est une question centrale de nos sociétés. Voilà. On sort du cadre de... C'est une action humanitaire, il faut aider les pauvres, mais c'est de dire des pauvres, les plus pauvres qui sont hors du droit, questionnent nos démocraties. Et à ce moment-là, c'était rassemblé beaucoup d'associations de défense des droits de l'homme, et c'était une grande victoire. Ensuite, en 1998, 10 ans après, la première loi, la loi de lutte contre les exclusions, à ce moment-là, Geneviève de Gaulle a parlé à l'Assemblée nationale, donc ça c'était en 1997, où elle affirmait que, voilà, là, en accédant aux droits fondamentaux, cette loi affirme que la lutte contre les exclusions est un impératif national fondé sur l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation. Elle revendiquait que en accédant aux droits fondamentaux, eh bien, les gens gagnent en citoyenneté, c'est-à-dire en prise de conscience que la société refuse de fonctionner sans eux et se transforme avec eux. Donc l'ambition, c'est vraiment que, à partir, justement, quand on parle de participation, c'est ça, c'est comment les plus pauvres nous aident à transformer la société, parce que, justement, eux, ils sont révélateurs d'une société qui ne fonctionne pas. Et pas simplement une action à la marge pour soulager la misère, c'est pour ça qu'on parle de refus de la misère, de destruction de la misère, c'est-à-dire c'est comme le racisme, la misère, c'est l'œuvre des hommes, disait le fondateur, et seuls les hommes peuvent la détruire. Ensuite, dans le même temps, le mouvement a beaucoup développé ce qu'on appelle la dynamique du croisement des savoirs, ça on en parlera plus tard, justement d'expérimenter, de dire, mais dans la société, on parle beaucoup du savoir universitaire, le savoir aussi d'action, dont on a parlé, et puis il y a tout le savoir d'expérience des plus pauvres, et souvent c'est celui, parce qu'ils n'ont pas les outils d'expression que ont les universitaires et les personnes d'action, que ce savoir-là n'est pas reconnu et n'est pas cultivé. Et c'est à travers ces actions d'université populaire, ces actions aussi de permettre de réfléchir, penser ensemble, de construire, de faire émerger ce savoir qu'il y a eu ces expérimentations qu'on appelle une première expérimentation autour de Carmont d'université qui a été mise en place avec l'université de Tours dans les années 98. Et puis un autre programme qui s'appelle Carmont de partenaires qui associait des professionnels de l'action sociale et des personnes en situation de grande pauvreté dans des co-formations communes. Ensuite, je veux dire qu'en 2012, il y a eu toute cette campagne, la campagne électorale, où sont ressortis très fortement tous les préjugés contre les pauvres. Et là, le mouvement a beaucoup travaillé à démonter les idées fausses sur les pauvres, mais qui provoquent des gros dégâts, c'est-à-dire qu'il y a une telle culpabilisation des personnes en situation de pauvreté que ça casse tous les ressorts pour s'en sortir. Donc, je parlais, qui vont à l'encontre de tout ce que je disais avant, et qui sont des idées reçues, mais qui ne permettent plus la rencontre, qui provoquent de plus en plus l'enfermement, parce que les gens sont de plus en plus convaincus que finalement personne n'attend rien d'eux. Or, les gens attendent, voilà. Quand on les attend, ils ont beaucoup à dire, à partager. Voilà. Et donc, c'est ce livre que je vous invite à découvrir et qui est un outil vraiment pour contrer toutes les idées qu'on peut entendre sur les pauvres ne veulent pas travailler, etc. On gagne plus avec le RSA qu'en travaillant, etc., etc. Tout ce qu'on peut entendre. Et suite à ça, le mouvement a mené tout un combat aussi pour reconnaître la discrimination pour précarité sociale. Souvent, une famille qui est refusée de l'accès aux soins parce que justement elle est à la CMU. Ça, c'est des situations assez courantes. Et de faire reconnaître cette discrimination, mais qui touche tous les types de populations en situation de grande pauvreté, c'est aussi une grande victoire. Et dans le même temps, c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce débat aussi. On a voulu, par une collection qui s'appelle « Pouvoir d'agir », mettre en valeur justement toutes des expériences comme on a cité là avant, de dire, mais on stigmatise beaucoup les plus pauvres, mais il est possible d'agir avec les pauvres contre la misère, contre la grande pauvreté, et qu'il y a plein d'initiatives qui sont prises. Ce livre a été, sur les idées fausses, a eu beaucoup de succès, diffusé en 70 000 exemplaires, qui montre qu'il y a un courant dans la société qui refuse cette manière de cliver, de dresser les populations les unes contre les autres, et qui crée des dégâts considérables. Donc on sent qu'il y a un contre-courant, un courant de gens qui refusent et qui voilà. Et voilà, ce qu'on propose, c'est des outils militants pour résister à cette tendance à vouloir stigmatiser une population. Et puis on s'est dit, mais au-delà de ces idées reçues, il faut montrer que, voilà, avec des livres simples, montrer que c'est possible d'agir, que c'est possible de sortir de la fatalité. Et donc, et tout le temps, le mouvement essaie de développer des projets pour montrer qu'il n'y a pas de fatalité, qu'on peut voilà, s'appuyer sur l'imagination, sur la créativité qu'on a tous en nous, et avec les plus pauvres, pour proposer des chemins pour sortir de la grande pauvreté ensemble. Et ça, c'est des chemins qui redonnent la dignité. Quand on parle d'agir tous pour la dignité dans le mouvement, c'est pas agir pour la dignité des pauvres, c'est agir tous pour notre dignité d'être humain. C'est-à-dire que refuser ensemble l'exclusion, c'est agir pour la dignité. C'est pas la dignité d'une population, je sais pas si vous voulez. Voilà. Et je terminerai juste, parce que j'ai pas le temps de développer sur ce qu'est le programme des croisements des savoirs, mais un petit film qui présente justement comment se rencontrer entre populations qui ont des expériences extrêmement diverses. Entre donc des professionnels de l'action sociale et des personnes en situation de pauvreté. Quels sont les chemins de la rencontre? Donc c'est une expérience dans un quartier de... C'est un film de 5 minutes sur voilà, une expérience dans un projet pilote que nous menons à un quartier de Lille qui s'appelle Fives, le quartier de Fives à Lille. Et pas de ce qu'elle avait dit. Et pourtant, c'était pour le signal. Bah, merci, merci à vous trois pour ces introductions à la thématique de ce soir. Donc là, on va passer à la partie un petit peu discussion, questions avec la salle. C'est, la parole est à vous. Encore une fois, n'hésitez pas à les questions peuvent être de tout ordre, hein, demande de précision. Ce qu'on appelle des questions bêtes, qu'on passe par la tête, etc., ou manifester des désaccords, voilà, n'hésitez pas. Donc, est-ce qu'il y a des premières questions, des personnes qui aimeraient bien intervenir ? Essayez, sinon parlez fort. Moi, je voudrais demander à monsieur des précisions sur ce qui s'est passé en 2012 au niveau de l'exclusion, justement, ce dont vous parliez tout à l'heure à la fin de votre. Donc, en 2012, c'était les élections présidentielles. Et donc, au moment de l'élection présidentielle, Alors, moi, j'étais en Bolivie. Mais au moment de l'élection présidentielle, voilà, il y a eu. Beaucoup de clivages et de discours de plus en plus clivants repris par les uns et les autres, et donc alors aussi bien dans le monde politique, mais aussi bien relayé dans la population, relayé aussi par les médias. Et là, on s'est dit, mais on peut pas laisser dire des choses comme ça sans réagir. Beaucoup de gens disaient, mais dans les conversations à la familiale, etc., on entend des choses et on n'a pas forcément les outils pour réagir parce qu'on ne sait pas comment. On entend plein d'idées reçues, il faut se donner des outils pour pouvoir répondre, argumenter des réponses. Voilà. Et c'est sûr que là, on est aussi inquiet par rapport aux prochaines élections. Il y a quand même une radicalisation des débats qui sont très, comment, parfois très violents. Donc on entend encore beaucoup de discours. Et là, c'est pas acceptable. Alors voilà, des discours qui sont des discours de méfiance ou de rejet. Alors que justement, alors c'est ce que disait Geneviève de Gaulle en citant Bernanos, elle disait les, les pauvres ont le secret de l'espérance. Et je vais donner juste un exemple. C'est, en ce moment, on dit qu'il faut que les personnes au RSA fassent du bénévolat. Le projet que propose le mouvement actuellement, qui va rentrer en expérimentation, c'est le projet ce qu'on appelle Territoire Zéro Chômeur. Et la dynamique est différente. C'est le Territoire Zéro Chômeur de longue durée. C'est-à-dire sur quelques territoires, de se dire que le coût du chômage est assez est énorme et de... Les gens ont envie, il y a du travail, il y a du travail parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de besoins qui ne sont pas pourvus, le travail n'est pas toujours solvable, donc c'est possible, à partir de compétences de chômeurs de longue durée, d'envisager des besoins, de répondre à des besoins qui sont sur des territoires bien circonscrits, bien délimités, de trouver, de proposer des emplois. Et donc là, on est dans une toute autre, parce que une toute autre logique, on est dans une logique de dire, pas de contrôle des chômeurs, mais de dire, on a besoin de vous. Parce qu'on a besoin de vous pour développer le territoire. Et on va se mettre ensemble avec les commerçants, les artisans, les élus et aussi les institutions économiques de l'emploi pour dire, mais mettons-nous ensemble sur un territoire avec les chômeurs pour un territoire sans chômage. Et là, ça, on l'a vu à travers les manifestations qu'on a faites, enfin les rassemblements qu'on a faits pour revendiquer une loi, combien ça redonne de l'espoir à tout le monde. Combien le fait de se dire, mais pour un élu, ça redonne sens aussi à ma fonction, parce que de redonner de l'espoir à une population pour un artisan, pour un commerçant, le fait de dire, mais il n'y a pas de fatalité, on peut ensemble sur un territoire. Alors c'est pour ça qu'on est beaucoup en ce moment dans des logiques de territoire, de se dire, mais ensemble, on peut réagir et puis sortir de cette fatalité que finalement, on ne peut rien contrôler, quoi. Et on n'a pas de pouvoir d'agir. Et là, on est dans une... Et à ce rassemblement-là, il y avait des chômeurs, mais le fait qu'on vienne les chercher, qu'on leur dise qu'on a besoin d'eux pour le développement du territoire, parce qu'on a besoin de l'intelligence de tous, mais ça change la relation. On n'est pas là pour un contrôle, pour leur dire, on va venir vous contrôler pour voir si vous cherchez vraiment du travail. On est là pour dire, on veut construire, on veut développer ce territoire ensemble. Et cette manière de regarder l'autre, de sortir des peurs, comme disait la personne, mais de regarder l'autre avec bienveillance. Alors, on n'est pas dans un monde de bisounours, hein, mais on sait bien que... Mais quand même, voilà, il y a d'autres manières de considérer les autres et c'est sûr que cet exemple-là, par exemple, on préconise d'autres réponses que des réponses un peu qui paraissent évidentes, qui paraissent le bon sens, mais qui sont souvent une souffrance pour les gens. Et madame ? Oui, alors moi je voulais revenir sur l'administration des gestions. Est-ce que les familles participent aux travaux chez d'autres familles, dans d'autres appartements ou d'autres maisons ? Et par ailleurs aussi, je me posais la question de du fonctionnement familial, de la garde des enfants. Parce que quand il y a ces travaux, est-ce qu'il y a une participation seulement de l'homme ? Ou est-ce que tout le monde peut participer dans la famille, et par ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui se met en place entre famille ou éventuellement la surveillance des enfants, la mutualisation, pourrait dire, d'une activité familiale? Alors, je suis désolée, madame, je ne vois pas très bien, mais j'ai bien entendu votre question. Du coup, en effet, donc, l'objectif premier, c'est l'amélioration de l'habitat, mais en mobilisant la famille, tout membre de la famille. C'est un peu dur. Cas concret, on intervient chez une famille à l'heure actuelle, une femme seule avec sa fille qui est adolescente. Bah, elle ne veut pas sortir de sa chambre, elle ne veut pas... En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on rentre chez les gens, nous. Et on ne rentre pas tout seul. Il y a un animateur technique, il y a une animatrice habitat, il y a souvent un ou deux jeunes volontaires. Enfin, S'il y a une préparation de la famille à déjà nous accueillir, il faut vraiment qu'on s'adapte aussi à son rythme. Il est hors de question qu'on dise, bon, bah voilà, on arrive de 8h à 17h, après on repart. Enfin, on s'adapte vraiment au rythme de la famille. Et oui, en effet, l'objectif, c'est que là, ça fait 2 semaines qu'on intervient chez la dame. La fille, aujourd'hui, j'ai eu un coup de fil d'une animatrice qui me dit, oh, on a vu la fille et tout. Enfin, il y a un travail, en fait, qui peut être des fois un peu déstabilisant de se dire, mais mince, on n'arrive pas à mobiliser, c'est leur projet, il faut y aller. Et des fois, c'est un peu dur, mais on y arrive. Et quand on voit que nous, on ne peut pas, on essaye de s'appuyer sur d'autres membres. Donc bon, là, par exemple, la maman, c'était un peu difficile, mais les voisins, les amis de la fille. Ce qui est marrant, c'est qu'on est une équipe assez diversifiée. On a nos jeunes volontaires qui sont là. Donc là, les jeunes étaient proches de l'âge de la fille. En fait, ça s'est fait comme ça. La fille est sortie, ils ont discuté, et les jeunes volontaires ont réussi à mobiliser la fille sur le chantier. Donc il y a vraiment... c'est pas facile et c'est pas évident. Et des fois, ça marche pas. Je vous cache pas que des fois, bah, les gens sont dans une telle misère et un tel renfermement qu'on a du mal à les mobiliser. Mais bon, on arrive à trouver des solutions. Et après, en fait, ça se fait automatiquement. L'objectif est un peu quand on monte nos projets, on dit, bon, bah voilà, l'idéal, la petite cerise sur le gâteau, c'est que les familles qu'on a aidées interviennent chez les autres. Mais en fait, finalement, on n'a pas besoin de l'écrire puisque ça se fait tout seul. Donc, les familles nous disent, bon, bah voilà, vous nous avez aidés, alors qu'est-ce que je peux faire pour vous maintenant? On leur dit, bah si vous voulez, on intervient dans la rue d'à côté, chez la dame, alors il faut savoir si elle est OK pour vous ouvrir sa porte et tout. Mais vous pouvez tout à fait venir aider chez la famille, ou alors si c'est pas cette forme d'investissement-là de la part de la famille, c'est de participer aux animations collectives, de devenir bénévole de temps en temps à l'association. Enfin voilà, il y a plein de formes en fait d'investissement de la part des familles qui sont possibles, et ça marche plutôt bien. Il y a énormément de liens d'amitié qui se créent sur le quartier, de liens d'amour aussi. On a eu des petits liens d'amour. On est super contents. Et voilà, il y a des belles choses qui se passent, de l'entraide et de la solidarité qu'on, des fois, on imagine un peu disparaître et de moins en moins important. Mais en fait, sur les quartiers comme ça, la solidarité, c'est presque la première chose qu'on a dans un quartier prioritaire. Ou dans les milieux aussi, il ne faut pas oublier les milieux très ruraux. Les gens sont très éparpillés partout et très exclus. Donc voilà, c'est une solidarité en fait naturelle qui se met en place. Je pense que plus on va dans la vie, on veut le conditionner l'humain, on aimerait le faire vivre comme on a envie. On impose des choses. On voit bien que depuis très longtemps, l'humain est devenu de l'argent. Pourquoi ? Parce qu'on a fait beaucoup de structures sociales. L'ASE, on a mis des enfants à l'assistance publique. Tout ça, c'est... Pardon, excusez-moi. Je vais pouvoir parler plus fort. C'est normal. Non mais j'essaie de parler comme ça. C'est bon, ça marche. Ça marche, voilà, d'accord. Merci. Donc je pense que plus on fait des choses, plus on veut conditionner l'humain, on veut le civiliser dans une, je sais pas, c'est, on le conditionne, on veut le faire avancer dans des choses, on veut s'en occuper, le gérer. J'ai fait le tour de la France ces 4 dernières années. Je suis une ancienne exclue. Je suis une ancienne victime. Laissez vivre les gens. Laissez s'épanouir. Je pense que être avec l'autre du matin au soir, c'est la vie. Je pense que l'argent a foutu en l'air tout le monde. On ne s'aime plus, il n'y a pas le vrai amour. Les familles sont fracturées, sont dépassées. On est dans un système qui ne va pas bien. Il ne faut pas se leurrer. Je n'ai pas envie de faire du faux semblant ce soir. Les situations sont tragiques. Et j'espère qu'on va se donner vraiment de l'amour et de la paix. Parce que franchement, je crois que c'est la priorité. Je crois que le conditionnement de l'humain, il en a ras-le-bol. Vouloir le gérer de A à Z avec le fric, parce qu'il n'y a que le fric qui fait le mal, il n'y a que ça qui fait, mais qui détruit tout. Et j'espère qu'on va réussir à leur montrer qu'il n'y a que l'amour, que le cœur ici. C'est que ça qui fait vivre les gens. Le fric, ça a détruit tout. Et je peux vous assurer, des milliers de gens que je vais voir. Mais au quotidien, je fais 135 heures, je m'endormais là. Je fais 135 heures par semaine. Je suis toujours avec l'autre. Le riche ou le pauvre, je vis avec l'autre. Voilà, rien à dire. Non, j'ai beaucoup de choses à dire, mais beaucoup trop peut-être. Je suis d'accord avec vous que... Enfin, après, je prends la parole. Malheureusement, des fois, il y a besoin d'impulser cette dynamique. Je suis d'accord que être avec la personne du matin au soir, c'est pas la solution. La prendre par la main tous les jours, etc., ça marchera pas. Mais des fois, il y a des gens qui ont besoin d'un petit coup de pouce, en fait. C'est juste ça. Nous, on intervient par l'habitat. En fait, je partage votre avis, mais enfin, voilà, je voudrais juste dire que, ouais, il faut parfois juste faire un petit... Non, mais il n'y a pas de souci. Ne pas le prendre pour un gamin, considérer, vraiment le regarder, un jeu de regard. L'exclusion, ça passe des fois par soi. Voilà. Et quand on est toujours avec l'autre, il n'y a pas d'exclusion. Oui, ben tu as dit oui, quand je trouve que c'est important ce que tu as partagé, de dire quand on essaie en permanence et quand on est face à l'exclusion, on est aussi face à nos limites et face à la difficulté d'aller à la rencontre de l'autre et de savoir comment se rencontrer, comment. Et c'est vrai que souvent on est dans des situations d'échec où on se sent aussi, on est ensemble et on ne sait pas comment avancer ensemble, mais on a envie de se rencontrer. Voilà. Et donc ce temps-là, est, je me souviens voilà, d'une famille qui était assez agressive et sans arrêt, on essaie derrière cette agressivité de comprendre voilà, quelle est la souffrance derrière et comment on va se rencontrer. Et au cours du temps, c'est avec la patience, parce que je crois qu'à la fois, oui, il faut laisser les gens libres et à la fois refuser l'abandon, quoi. Pas laisser les gens à l'abandon, et parce que on a envie de se rencontrer, quoi. Et puis l'autre chose aussi, tu parlais de solidarité, c'est quand on parle des familles à la rue, souvent des familles qui ont vécu cette expérience de vivre à la rue sont les premières à accueillir chez elles des personnes à la rue. Et donc on n'imagine pas le nombre d'hébergements qui sont économisés par le fait que des familles accueillent chez elles. Et ce qui est terrible, c'est que souvent, c'est dans ces réalités-là, cette solidarité qu'elles vivent, on leur reproche parce qu'on leur dit qu'elles sont pas responsables, parce qu'elles mettent en danger leur vie familiale. Et c'est aussi une réalité, parce que des fois, dans un logement exigu, on accueille une autre famille pour quelques mois, puis ça dure 4 ans, et puis parce qu'on n'abandonne pas les gens. Et ça se retourne contre elles, et on ne valorise pas, on valorise pas cette solidarité. Si des personnes, quoi, d'autres milieux le font, on dit que c'est formidable, mais quand elles le font, on reconnaît pas ça. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça, de pas reconnaître ces valeurs-là et pas reconnaître cette identité culturelle de solidarité comme tu évoquais, et de dire voilà quelle question elle. Et moi, combien de fois quand j'étais au centre de promotion familiale, des familles hébergeaient d'autres personnes à l'arrêt, on leur disait mais là ça va exploser, et du coup elle nous envoyait ces personnes qui se fâchaient contre nous parce qu'on pouvait pas accueillir tout le monde, et nous on était comme face à ces réalités qui nous dépassent. Comment faire face à toute cette misère, comment répondre? Et on est aussi souvent dans une situation de désarroi, quoi. Et c'est là où on a besoin vraiment de se sentir ensemble et de sortir de voilà, de sortir des peurs et puis aussi des jugements qu'on porte sur les gens et de se dire comment on se met ensemble. Alors moi, pour rebondir, j'aurais une question aussi par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que vous dessinez en pointillé le groupe comme une norme, en tout cas le fait d'être inclus dans un collectif, de partager des choses. Et comment vous gérez concrètement des gens qui peuvent être rétifs à être avec les autres, parce que finalement ça peut être aussi des questions de tempérament, des gens qui ne veulent pas être avec, tout simplement avoir du lien avec, qui sont plutôt des gens solitaires. Et puis comment vous gérez aussi une forme de décalage entre, d'un côté, essayer de faire en sorte que les gens s'intègrent, mais en même temps s'intégrer dans une société où c'est quand même l'individualisme qui est la valeur de l'autre. Donc oui, ça me parle beaucoup, ce que tu dis là. Nous avons des personnes seules, isolées, qui, lorsqu'on leur parle de venir participer à un atelier ou à un groupe, un échange de paroles, nous disent tout de suite non. Se sentent pas à l'aise, et après c'est toute la confiance qui va s'instaurer dans les entretiens individuels, le fait de voir la personne ou la famille sur des temps informels, qui fait que à un moment donné la personne va essayer, et nous on est là en tant que travailleur social pour que ça se passe bien au moment où la personne va être dans le groupe, pour qu'elle ait la parole, qu'elle se sente en confiance. Et donc, ça se fait. La personne y arrive à un moment donné, mais parce qu'il y a du temps qui s'est passé et il y a une mise en confiance, en fait. Là, j'ai plein d'exemples en tête et je peux dire que c'est possible, mais parce que nous sommes vigilants aussi à ce que la personne puisse s'exprimer, on est à son écoute, on valorise ce qu'elle va être, son savoir-être, ses savoir-faire, et on va lui permettre d'avoir une place en valorisant ce qu'elle est, en fait. Donc, à partir du moment où on considère l'autre dans ce qu'elle est, qu'on ne la juge pas, la personne va se sentir à l'aise pour pouvoir venir participer à un atelier, à un groupe. Là où ça va être plus compliqué, c'est, alors, c'est pour certaines personnes, pas pour toutes. Du coup, ça va être le début pour la personne de s'inscrire, d'avoir une place, et de pouvoir peut-être, à l'extérieur de l'association, en dehors de l'association, au sein dans la société en général, d'y arriver, puisqu'elle aura eu déjà cette expérience au sein de l'association. Mais pour d'autres personnes, c'est plus difficile s'il n'y a pas toutes les conditions réunies dans le non-jugement, dans l'écoute, dans la reconnaissance, dans la valorisation de l'autre. C'est-à-dire que la personne, elle peut se retrouver dans un groupe à l'extérieur et il n'y a pas toutes ces conditions. Du coup, ça va être difficile. C'est dans quelle mesure, le après, nous on a nos actions, notre façon de travailler, notre façon de considérer l'autre, et après c'est un autre chemin. Ce qui serait important de dire, pourquoi les... Oui. C'est parce que c'est très intéressant qu'ils sachent ça, parce qu'il y a du interactif, je suis désolé. Non, c'est cool, parce que... Ce qui est intéressant, c'est pourquoi la personne elle est exclue. Tout simplement, c'est parce qu'elle a été cassée, brisée, abîmée. Jamais elle a eu de l'amour dans son enfance, malheureusement. Il y a dernièrement, je suis allé à Paris, les décès, les SDF qui meurent dehors, ce sont des enfants de l'assistance publique, des enfants de l'ASE. Parce que ceux-là, ils ont été très abîmés. Ils n'arrivent pas à s'inclure dans tous ces groupes parce qu'on les a bien amputés. Ils sont coupés parce que c'est des échecs. parce qu'automatiquement, on leur a brisé quelque chose de très fort. Vous savez, quand on enlève la virginité à un homme ou à une femme, très tôt, c'est tous les rêves qui sont brisés à un enfant. Tu ne deviens jamais, on va dire, un adulte, parce que tu es brisé, tu es amputé. Et après, le parcours fait que ce n'est que des échecs. Que des échecs. Parce que c'est comme ça. Et un jour, si vous ne faites pas une résilience dans votre cerveau avant de mourir, ou alors de faire des drames, parce que c'est ça aussi, ce qui est important pour éviter de reproduire des drames, il faut casser la résilience. Il faut casser le schéma qu'on vous a produit, la barbarie dans votre cerveau. Ça, c'est important de le savoir. Parce qu'on voit de plus en plus de violence. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ce pauvre homme qui pète les plombs? Qu'est-ce qu'il a subi, cet homme? Voilà, n'importe. Avant de juger, avant de taper, les médias disent n'importe quoi. Donc attention, soyons nous-mêmes, puis s'enlever son orgueil. Je pense que c'est tellement important. Restons humbles et simples. Voilà. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce débat ce soir. C'est très intéressant. Des questions? Oui. Alors, soit très fort, soit... juste une question. Je suis venu vraiment par curiosité. C'était vraiment intéressant et j'aimerais remercier tous les intervenants et aussi ceux du public. Ma question, c'est les personnes qui sont en très grande fragilité suite à des problèmes, notamment, qui ont besoin d'un psychologue. Vous l'avez évoqué, vous avez apparemment mis en place un psychologue dans votre esprit social. Comment vous avez eu l'idée de mettre en place cela? Est-ce que ça vient d'une demande? Vous avez senti qu'il y avait vraiment une demande? Ou c'est quelqu'un qui s'est proposé? Comment vous avez mis en place? Parce que ce que je constate, c'est que souvent ceux qui ont le plus besoin, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas un accès à un psychologue. Alors souvent, comme vous venez d'évoquer, il y a des grandes souffrances. Et voilà, j'aimerais savoir un petit peu les précisions sur ces initiatives. Et juste question complémentaire, peut-être introduire aussi par rapport à l'exclusion qui est produite par des cassures dans les trajectoires de vie, peut-être aussi introduire la dimension un peu sociale, peut-être qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas tout à fait dans des ruptures familiales, mais aussi peut-être l'introduire dans la réponse en termes publics. Est-ce qu'il y a des différences qui peuvent se créer, notamment le lien avec les personnels comme des psychologues, etc. Est-ce qu'il y a un public spécifique qui va voir des psychologues? Est-ce qu'il y a une différence avec d'autres publics qui vont voir plutôt des travailleurs sociaux? Alors, je vais donner la parole à François. Par rapport à... Je vais laisser la parole à François. Je vais juste répondre... intervenir sur ce que tu disais. Tu peux répéter parce que je... En fait... parce que ce qui a été abordé, c'était... pour moi, il y a une petite connexion, c'est que j'ai l'impression que tu as réagi sur la partie très personnelle des ruptures qui aboutissent à des situations d'exclusion. Et juste peut-être pour un petit peu recadrer le débat, intégrer de plus en plus aussi un autre aspect qui est la dimension sociologique, c'est-à-dire les gens qui se retrouvent dans des situations d'extrême pauvreté par les difficultés de la vie. Et peut-être dans ta réponse, est-ce que tu peux aussi commencer à aborder cet aspect-là? Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai très bien compris, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a des personnes, quand on leur parle de psychologue, elles te disent non tout de suite. Et moi, je pense, en tant que travailleuse sociale, qu'il y a des personnes qui... Je suis qui, moi, pour dire « va voir la psychologue ». Voilà. Je pense que tout le monde ne peut pas forcément trouver la solution en allant voir une psychologue. C'est pas forcément la solution, ça peut être d'autres types de thérapies. Malheureusement, à ce jour, il en existe plein, mais toutes sont payantes, donc c'est compliqué. Après, dans l'histoire d'une psychologue au sein de l'association, je vais laisser la parole à Françoise qui connaît bien d'où est venu le besoin Je pense que c'est les habitants qui l'ont demandé et vous qui l'avez proposé. Et ça répondait bien à un besoin. Mais tu pourras en dire un peu plus. Le besoin exprimé majoritairement, vous avez compris, le public de l'épicerie sociale très féminin, avec beaucoup de familles monoparentales. Et donc, c'est assez vite exprimé dans l'association des difficultés dans le. Par les mamans, des difficultés dans l'éducation de leurs enfants. Et donc, l'idée de faire intervenir le psychologue, c'était de mettre en place des séances collectives de départ pour parler de tous ces sujets de l'éducation des enfants et notamment de l'autorité des parents par rapport aux enfants. C'était souvent sur des pertes d'autorité, que les parents se sentent perdent confiance et avaient besoin de trouver un lieu de discussion sur cette problématique de relations avec les enfants. Petit à petit, donc cette action-là a été mise en place très très tôt dans la vie de l'association, et petit à petit, à l'écoute des parents, des personnes qui étaient accueillies dans cette. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des besoins plus individuels, enfin plus personnels, et ça nous a fait évoluer vers la possibilité pour les personnes qui sont bénéficiaires de l'épicerie, ça nous a fait évoluer vers une rencontre individuelle avec le psychologue pour pouvoir évoquer un certain nombre de problèmes que les personnes avaient, elles, en tant qu'adultes, ou en tant qu'adultes avec eux. Mais qui est un peu plus compliqué à exprimer publiquement dans un travail de groupe. Et du coup, il y a eu ce travail qui a été mis en place avec l'idée toujours que nous ne sommes pas la solution au sac à valise. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on est une amorce dans un travail et qu'on sent bien que si on est au bout de ce qu'on peut proposer, il faut envoyer vers des solutions extérieures, quelles que soient les problématiques abordées. Et ça, c'est important d'avoir, je dirais, un peu cette modestie dans le travail qu'on fait, parce que, voilà, on est une petite association, on essaie d'apporter beaucoup de solutions à un certain nombre de problèmes, mais on a aussi nos propres. Et puis alors, j'ai envie de rajouter, ce qui est bien, c'est que ça fait tomber des idées reçues concernant le psychologue, parce que souvent les familles disent « je ne vais pas voir un psychologue, je suis pas folle, je suis pas fou ». Donc il y a plein d'idées reçues. Le travailleur social, il a ses limites aussi dans son intervention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche quand même, en tant que travailleur social, à trouver une solution où la personne va pouvoir avoir un espace de parole. Plus important parce qu'elle en a besoin. Donc c'est bien de travailler avec aussi un psychologue, même si ça ne va pas être un soin comme on l'entend sur le long terme, mais peut-être permettre à la personne après d'aller à l'extérieur plus facilement. En discutant avec la psychologue qui travaille avec nous, il y a quand même une difficulté à l'extérieur puisque c'est payant. Et puis, il manque beaucoup de... Alors, si c'est des fois, il y a les psychiatres qui sont... On sait, mais sur le terrain, je crois qu'il y a beaucoup de manque de professionnels. Voilà. Et donc, ça commence à venir là dehors maintenant. Je travaille avec des professionnels médecins, lundi soir, mercredi. Ouais. Voilà. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça, nous, on a quand même. Alors, c'est pas la majorité, hein, mais on a on peut avoir des personnes qui ont des troubles psychiques importants qui viennent. Et des fois, on peut se sentir démunis. Alors, peut-être parce que moi, je viens juste d'arriver aussi et que. J'ai besoin d'un réseau, de connaître plus de monde. Mais par rapport à ces personnes-là qui ont des troubles psychiques, des fois, on se sent... Parce que ils vont avoir un traitement, mais s'ils ne prennent pas le traitement, ils peuvent d'un coup se mettre en danger ou en danger les autres. Bon, là, il y aurait un réseau peut-être à avoir un peu plus important. Et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'il y a une victime et un bourreau. Vous voyez ? Ça, c'est important de l'entendre. Il y a toujours eu des scrutins, c'est quelqu'un qui a été victime. Et ça, c'est important de le dire. Voilà. Oui, allez-y. En 1989, pour le bicentenaire de la Révolution française, Athénée Carmonde avait organisé un colloque à Caen, je crois, sur le thème « Démocratie et pauvreté ». C'était environ 15 ans après la fin de ce qu'il est convenu d'appeler les Trente Glorieuses. 30 ans ou presque viennent de s'écouler et on ne parle plus de démocratie, mais de pauvreté et d'exclusion. Vanter les mérites de l'homme, avec un H majuscule, avec la possibilité qu'il a de s'accomplir, ça ne peut pas se dissocier du contexte dans lequel il est. Nous sommes dans un contexte où l'idéologie dominante s'inspire de la loi de la jungle. Donc, il faut tenir la chose par les deux bouts. Valoriser l'individu, mais s'interroger sur le contexte dans lequel il est. Et j'élargis un petit peu la réflexion. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé de mieux que le salariat. Donc, qui dit salaire, dit travail. Et là, je m'interroge, en me retournant vers Athénée Carmonde, sur cette expérience limitée qui consiste à dire sur ce territoire, il n'y a plus de chômeurs, on va se servir de l'indemnité chômage pour donner un emploi, pas un travail. Si bien que là, dans cette démarche, je ne sais pas si Athénée Carmonde a réfléchi à la finalité de ce qui va se passer. N'importe quel employeur va saisir l'occasion. C'est la société qui paye, et plus le travail. Donc, je lance cette réflexion et les dangers. Donc, merci de votre intervention. Je vous citais donc le colloque à Caen. Effectivement, c'est ce colloque sur le thème les plus pauvres dans la démocratie. Hein. Voici le colloque. Ouais. C'est un beau pavé. C'est super. Pour moi, ça a été longtemps un livre de chevet. Et donc, effectivement, ce travail-là est à l'origine du travail sur le croisement des savoirs, parce que les universitaires ont interpellé le mouvement en disant « Mais que peut-on faire avec comment on peut s'engager ?» Et c'est là où on a dit « Mais voilà, il y a beaucoup de recherches faites sur la pauvreté, il y en a une multitude, mais il n'y avait aucune recherche faite avec les plus pauvres. Comment les plus pauvres peuvent être co-chercheurs, ça veut dire que du coup aussi peuvent être acteurs de propositions pour des politiques différentes. Alors après, oui, vous soulevez sur la question de territoire, le projet territoire zéro chômeur. Donc le principe déjà, c'est d'expérimenter sur 10 territoires, justement pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, parce que dans le projet initial, c'est de dire, effectivement, de dire sur un territoire, il y a des besoins qui ne sont pas couverts parce qu'ils ne sont pas solvables, mais il n'est pas question, justement, de rentrer en concurrence avec les emplois dans ces, qui sont solvables, et donc en permanence avec un comité de pilotage, s'assurer qu'on ne rentre pas sur ce terrain-là. Mais c'est ce pilotage-là qu'il faudra sans cesse, sur lequel il faudra être vigilant. Voilà. Donc ça, c'est l'expérimentation qui va... Mais nous, la grande préoccupation, c'est que vraiment ce projet atteigne les plus pauvres. C'est-à-dire que on sait combien... Souvent, il y a cette tendance à dire, mais il y en a certains, c'est pas possible de les associer. Parce qu'ils ne sont pas en capacité de respecter le code du travail. Parce que, justement, comme tu le disais, il y a tout un rééquilibre à trouver. Des personnes qui ne sont pas en capacité d'emblée de respecter des horaires, d'être à l'heure, etc. Nous, à Télécarbon, c'est vraiment n'abandonner personne et donc de se questionner à partir du plus pauvre. Et donc, c'est se questionner à partir du plus pauvre. Le plus pauvre, c'est celui qu'on ne connaît pas par définition, c'est celui pour lequel on est toujours à la recherche. Donc, c'est que ça questionne en permanence nos projets. Alors après, il faut attendre de voir ce que donne cette expérimentation sur 10 territoires. C'est des territoires essentiellement ruraux, sur lesquels il y a entre 100 et 200 chômeurs, et avec des entreprises à but d'emploi qui ont pour objet, et dans lequel en permanence on évalue si l'emploi effectivement rentre en... s'il n'y a pas des abus, etc. Il y a des pauvres très riches humainement qui ont fait le tour du monde cette fois, des choses merveilleuses. Et c'est parce qu'ils ont un sac à dos qui vivent à la rue, qui sont aimés. J'aurais juste une question sur le maillage. Ou est-ce qu'il n'y a pas des zones qui échappent au maillage justement de tout ce travail, de travail social, etc. Et donc c'est une petite question, peut-être encore une ou deux, et après on conclut. Vous deux, et après éventuellement les autres qui ont des questions, ça sera dans le temps d'avant, parce qu'on a des contraintes de fermeture de salle à 23h. Et là, vu qu'il est 22h30, on prend peut-être deux petites questions. Par rapport au bénévolat, je viens de rentrer dans une association, ça fait très longtemps que j'ai commencé. Les quelques échos que j'en ai de nous en tant que bénévoles vis-à-vis des autres, des bénéficiaires, c'est que je crois qu'on est très maladroit dans nos interventions et dans notre façon de considérer les gens. Et justement, j'aimerais savoir s'il y a des formations un peu pour les bénévoles, si ça existe quelque part. Parce que ça me paraît intéressant, parce que j'ai entendu des choses émanant de mes collègues bénévoles par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, que pour que les gens puissent être reconnus, qu'on puisse les laisser dignes, je pense que là, il y a des choses qui sont déconnantes. Ce que je trouve super, c'est que nous, au sein de notre association, il y a des bénévoles qui ne sont pas bénéficiaires et des bénéficiaires qui sont bénévoles, donc il y a une mixité. On manque beaucoup de bénévoles qui viendraient de l'extérieur, qui ne sont pas forcément dans une insertion, mais on a pu faire l'expérience de bénévoles qui ne sont pas dans un parcours d'insertion, qui viennent s'inscrire en fait dans notre équipe. Et oui, on manque de formation. Alors après, moi, quand je suis arrivée au sein de l'association il y a un an, j'ai tout de suite pensé à ce que vous demandez là, et j'ai été chercher. Donc je sais qu'il y a l'association, par exemple, L'Engrenage, je ne sais pas si... L'Engrenage. Alors, oui, L'Engrenage. C'est une association qui pourrait éventuellement vous aider une association, faire le point sur nos besoins de former ou de formation bénévole. Après, je ne suis pas allée plus loin pour le moment parce que je n'ai pas le temps et parce que ça coûte de l'argent. Mais pourquoi pas essayer de trouver des solutions. Et en attendant, de trouver des solutions que, du coup, je n'ai pas vraiment là et je n'ai pas vraiment de réponse à part vous orienter vers l'engrenage. S'il y en a d'autres dans l'Assemblée qui ont d'autres réponses. Sinon, moi, je pensais faire moi-même, si j'ai le temps, par exemple, de faire comme, et ce que je fais déjà des fois, des petites formations des bénévoles qui arrivent, moi, en tant que salarié, par exemple, au sein de l'association. Peut-être, oui, une parole là. Après, si c'est un complément court... C'est une réponse. Aussi, c'est une réponse. Alors, vas-y. En réponse là-dessus, Sabine sur le fait que c'est de la formation à l'interne, je pense que c'est extrêmement important parce que la formation, ça se fait aussi en pratique. Et ce que je veux dire, c'est que le point de vue qu'on a sur les gens qu'on aime, il est extrêmement lié à la structure elle-même. Moi, je défends absolument la structure de l'épicerie sociale avec qui est un endroit où on vient faire ses achats, avec des droits d'achat. Pas simplement se ramener dans la maison. On a des droits d'achat, on peut les revendiquer comme tels, et on vient faire des achats un peu comme dans une autre épicerie. Mais seulement un peu comme dans une autre épicerie, parce que dans n'importe quelle épicerie, on a fait au milieu du magasin, alors que là, on a fait seul. Parce qu'on fait attention au regard de chacun sur les achats. Donc on les fait seul, et les autres attendent un moment. Et il y a des lieux qui sont des lieux de ce que tu appelles des lieux informels. Le lieu informel, c'est absolument fondamental, sauf que dans une épicerie sociale, le lieu informel, on le vient naturellement parce qu'on est lié au lieu informel par ailleurs. Donc ça crée des lieux informels. Quand on est bénévole sur ce type de structure, on sait que les gens viennent dans les droits, on ne regarde pas en haut, et on fait ce qui va à l'espoir. Après, on arrive tous avec des idées un peu surplombantes par rapport aux lumières, franchement, et tout. Et c'est extrêmement important d'abord de comprendre que c'est pas vrai que tous les groupes sont pas instruits, pas machin, etc. Les situations sont extrêmement diverses. Et la misère a frappé tellement partout que de toute façon, maintenant, franchement, on est tous face à l'âme. Il y a ces éléments-là, mais encore une fois, c'est la façon dont l'association fonctionne par rapport aux bénéficiaires qui est le premier élément de formation des bénévoles. Oui. J'en suis tout à fait persuadé. Et après, à l'intérieur, ce que fait Sabine, c'est expliquer cette philosophie. Et c'est vrai qu'il faut l'expliquer, bien sûr. Oui. Et ça se fait dans des détails. Hein. Ça se fait dans des trucs où tout d'un coup, on se dit « Ah, on va plutôt... » Et nous, tout d'un coup, on redevient péripatique. Et nous, on ne veut pas être péripatique. Je vais demander très court parce que. C'est parce que je voulais parler de l'Université populaire Clermont, car c'est des écoles où on se forme. On se forme et c'est une démocratie parce que tous, on a la même. La parole, n'est pas. Il y en a un qui a une parole plus vraie qu'un autre. On n'est pas des psychologues, on n'est pas des linguistes, on n'est pas. Non, on est tous au même niveau, c'est que je ne pense que vous voulez les autres. Hein. Donc voilà, il y a la confiance, il y a le lien, dont vous avez parlé, dans cette université populaire Clermont, et croyez-moi, c'est une école de formation parce que les gens du Clermont viennent pour se former, et nous, on se forme à leur parole. On se forme, on a bien dit dans le film qu'on ne se comprenait pas, les mots ne veulent pas dire la même chose pour les uns et les autres. Et est-ce que ce n'est pas ça la meilleure formation? C'est de se comprendre. Et on dit sur quoi on s'entend, pour nous, qu'est-ce que c'est, et qu'est-ce qu'on va faire pour se comprendre. Et c'est une démarche de longue haleine, le troisième des savoirs dont tu as parlé, Christophe. Et moi, je suis émerveillée quand je participe à l'Université populaire Clermont de voir que la parole première, c'est la parole des gens, des familles en situation, des gens en situation de précarité. C'est eux qui prennent la parole, ils se forment à prendre la parole, qui va comme on dit, permettre après dans la société ou vis-à-vis d'avoir une parole qu'ils auront travaillée. Parce qu'au début, avant l'Université populaire Clermont, il y a toute une préparation. Les gens vont pouvoir échanger entre pairs, hein, parce qu'entre eux, ils ont besoin de se rencontrer. C'est pas seulement vis-à-vis d'un spécialiste. Voilà. Là, dans ces gymnases populaires Clermont, il y a vraiment cette parole qui est respectée. Et les experts ou les gens qui viennent pour réagir à ce que disent les gens du Clermont, ils parlent après. Et ils accueillent la parole de ces personnes. Et la pensée du Clermont pour les gens de pauvreté se construit. Et c'est comme ça qu'à TD, il y a une masse énorme de documents d'écrit qui permettent après de dire que on va participer à des travaux du ministère ou du CESE actuellement, pour territoire de zéro chômeur de longue durée, ça a été très très long. Là. Alors, on a eu beaucoup d'inertie populaire sur l'emploi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'ils attendent des gens? On a parlé de qu'est-ce qu'ils attendent et quels sont leurs savoirs d'expérience. Enfin, bon, moi, je vous invite peut-être à participer à notre inertie populaire Clermont dans Centre-Loire, qui redémarre, parce qu'elle est 4-5 ans à exister, elle va redémarrer. Et nous, surtout, on veut être un petit groupe à s'associer à cette inertie populaire Clermont. Maintenant, il y a 4-5 années, puisqu'elle a été aidée à tourner. On n'a pas repris encore. Voilà, on participe, nous, surtout, nous, les auteurs dans les collectifs. Hein, surtout, il y aura plusieurs manifestations, plusieurs possibilités, Voilà, donc, je vous invite à rejoindre l'association. Si vous voulez laisser vos coordonnées, on vous contactera. Merci beaucoup. Alors, je vais couper, non pas pour couper la parole, mais plutôt pour vous permettre d'échanger dans le temps qui reste. Donc, on doit rendre la salle à 23h. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci particulièrement aux participants d'avoir accepté d'introduire ce débat. Quand même, vu qu'on parle beaucoup de reconnaissance, merci aux étudiants de Confluence qui s'activent, aux thésards de la DSHS qui essayent de trouver du temps de leur thèse. Et puis bien sûr, un grand merci à Catherine Reynaud qui gère les cafés Géo depuis quand même quelques années avec une certaine maestria. Donc le buffet est là, et puis à vous qui nous accueille à chaque fois, bien sûr. Donc le buffet est là, n'hésitez pas. Et puis pour toute information, vous avez le stand d'ATD avec des livres en vente, et puis le site internet de l'Université Populaire. Voilà. Et encore merci à vous pour l'accueil au Centre Social.